إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous allons poursuivre avec notre série d'interventions intitulée Les preuves du Tawhid. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, les preuves que nous allons citer et expliquer, Inch'Allah Ta'ala, concerne le contraire du tawhid qui est le shirk. Car en vérité, la personne ne pourra pas connaître le tawhid sans connaître son contraire qui est le shirk. L'imam Muslim rapporte, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Et moi, je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il m'atteigne. Ainsi, si tu veux connaître le tawhid, tu dois également connaître le shirk. Si tu veux connaître la sunna, tu dois également connaître la bid'a, l'innovation. Si tu veux connaître le bien, tu dois également connaître le mal. Et lorsque tu apprends le shirk, tu apprends l'innovation, tu apprends le mal, ce n'est pas pour le mettre en pratique, mais plutôt pour t'en écarter. La première preuve que nous allons voir est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. C'est-à-dire, il ne pardonne pas qu'on lui donne un égal dans ce qui lui est propre. Car le shirk, comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Allah azza wa jalla dit dans sourate Ash-Shu'ara, Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'il ne pardonne pas à celui qui lui donne un égal dans ce qui lui est propre. Et donc, celui qui meurt sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Et il ira en enfer éternellement. Et ce verset nous indique la dangerosité du shirk. Néanmoins, lorsqu'on parle du shirk, beaucoup de musulmans ne se sentent pas concernés. Pourquoi ? Car beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, lorsque tu leur parles du shirk, ils pensent que le shirk consiste à adorer les idoles, comme à l'époque des koufars de Quraysh. Selon eux, le shirk réside dans le fait de se prosterner pour une statue, alors qu'en vérité, le shirk est beaucoup plus vaste que cela. Alors qu'en vérité, le shirk est beaucoup plus vaste que cela. Par exemple, le shirk peut être une croyance. Comme par exemple, le fait que certaines personnes peuvent guérir en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou encore que certaines personnes connaissent l'invisible. Et combien de musulmans ont cette conviction ? Combien de musulmans fréquentent les sorciers, les devins, les marabouts et autres ? Et ils ont la conviction que ces gens connaissent l'invisible. Et ces gens rusent avec les musulmans. Par exemple, il est probable que lorsque tu te rends chez un sorcier et que tu toques à sa porte, il te dit « Rentre, Mohammed ». Imaginons qu'une personne s'appelle Mohammed, il toque à la porte du sorcier, le sorcier lui dit « Rentre, Mohammed ». Et donc, Mohammed en question va penser que le sorcier connaît l'invisible. Et c'est probable que le sorcier l'informe concernant certaines choses de sa vie, telles que le nom de son père, le nom de sa mère et autres. Et cette personne en question va penser que le sorcier connaît l'invisible. Alors qu'en vérité, les sorciers travaillent avec les shayatines. Et les shayatines leur donnent certaines informations. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Et celui qui a la croyance, celui qui a la conviction qu'autre qu'Allah connaît l'invisible, alors ceci est du polythéisme. Ceci est du shirk. Wal'iyadu billah. Également, parmi les formes de polythéisme, on a les amulettes. Ce que les gens vont accrocher, par exemple, au poignet, ou bien autour du cou, ou bien au pied ou autre. Et comme vous le savez, ces choses sont répandues. Beaucoup de certains musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, achètent des amulettes et accrochent des amulettes. Et ils ont la conviction que ces amulettes sont soit une cause de guérison, ou bien qu'ils peuvent repousser un mal, ou même qu'ils guérissent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci est du shirk. Tout ceci, ikhwani fillah, est du shirk. Également l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons al-dhabh, le sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la » Dis, « Qul inna salati » Dis, ma prière. « Qul inna salati wa nusuki » Mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et nous avons des musulmans qui vouent cette adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui fréquentent les sorciers. Les sorciers vont les aider à quelles conditions? À condition qu'ils sortent de l'islam. Et pour cela, ils vont leur dire de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit un mouton, que ça soit un poulet, que ça soit n'importe quoi. Et ces choses sont répandues dans notre communauté. Également, invoquer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, avoir peur d'autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah, ou plus encore. Certains ont peur de certains pieux qui sont décédés, ils ont peur d'eux, comme ils ont peur d'Allah, ou plus encore. Et ceci est du shirk. Donc lorsqu'on parle du shirk, ikhwani fillah, il faut se sentir concerné. Il ne faut pas croire que le shirk réside uniquement dans l'adoration des idoles. Et regardez la dangerosité du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que celui qui meurt sur le shirk, il a commis un acte de polythéisme et ne s'est pas repenti avant de mourir, Allah ne lui pardonne pas et il ira en enfer éternellement. Alors que celui qui a commis des grands péchés tels que le mensonge, tels que par exemple la calomnie, le colportage et autres, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Et il finira, s'il va en enfer, il finira par rentrer au paradis. Et il y a deux cas de figure concernant celui qui meurt sur un grand péché. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, car c'est lui le miséricordieux, le tout miséricordieux, il le fait entrer au paradis, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala le châtie pour le purifier, et il finira par le faire entrer au paradis car il est mort sur le tawhid. Donc ce verset, Ikhwan Fillah, nous indique la dangerosité du shirk. La deuxième preuve que nous allons voir est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera l'enfer. Pour les injustes, point de secoureur. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie encore une fois la dangerosité du shirk. Et il nous clarifie à Azzawajal que celui qui meurt sur le shirk, le paradis lui sera interdit. Le paradis lui sera interdit. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie plusieurs points. Le premier est que celui qui meurt sur le shirk, le paradis lui sera interdit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, son refuge sera l'enfer. Le troisième point, personne ne pourra le secourir. Personne ne pourra lui venir en aide. Au contraire des épreuves dans la vie d'ici-bas. Tu peux être éprouvé, ton frère peut venir t'aider, ta mère peut t'aider, Naam, tes voisins peuvent t'aider, mais personne ne t'aidera en enfer. Wal'iyadhu billah. Même ceux qui voudront qu'on les achève en enfer, personne ne pourra rien pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Ils appelleront Malik et diront: que ton Seigneur nous achève. Et Malik dira: قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Vous allez rester dans le feu de l'enfer. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ. Nous sommes venus à vous avec la vérité. Et la plus grande des vérités, c'est le tawhid. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Personne ne pourra rien pour eux. Personne ne pourra rien pour eux. Et la cause qui les fera rester éternellement en enfer, c'est le shirk. Et ça, Ikhwan Fillah, ça doit susciter la peur. La peur de tomber dans le shirk. Et les pieux, ceux qui connaissent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, ressentent cette crainte et cette peur. Et la preuve de cela réside dans le troisième verset que nous allons citer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ibrahim: وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le prophète Ibrahim alayhi salam: et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. Allah azawajal ici nous parle du prophète Ibrahim alayhi salam. Malgré que le prophète Ibrahim alayhi salam est un imam dans le tawhid et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges dans de nombreux versets dans le Coran: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Et d'autres ayat qui nous indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son prophète Ibrahim alayhi salam. Malgré ça, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver ainsi que ses enfants de l'adoration des statues, c'est-à-dire du shirk. Alors si le prophète Ibrahim alayhi salam invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les préserve du shirk, que dire de nous? Que dire de nous qui n'avons pas atteint le rang du prophète Ibrahim alayhi salam? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver contre le shirk. Et ça, Ikhwani fillah, c'est la voie des pieux et la voie des vertueux, la voie des prophètes. Le fait de craindre le pire des péchés, qui est le shirk. Quant aux insouciants, ils ne vont pas ressentir la moindre crainte. Ils vont te dire: on connaît le tawhid. Comme certains disent, le tawhid fahimna. Le tawhid, on a compris. Le shirk, on connaît, on a appris. Et puis tu vas voir que beaucoup d'entre eux, wal'iyadhu billah, tombent dans le shirk sans même ressentir cela et sans même le savoir. Et également, nous avons mentionné il y a quelques minutes que ceci est la voie des pieux et la voie des prophètes, le fait de craindre le shirk. Et nous avons également une preuve dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Mousnad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Lorsqu'on le questionna à ce sujet, il répondit: ar-riya, il s'agit de l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith mentionne qu'il a peur pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam du shirk mineur. Et méditez avec moi sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: khayrun nasi qarni, les meilleures personnes sont les gens de mon époque, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleures personnes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils font partie des meilleures générations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam craint pour eux le shirk. Et tout ceci, ikhwani fillah, doit avoir comme effet qu'on ait peur du shirk. Et également qu'on fasse les causes pour s'écarter du shirk et pour être préservé du shirk. Et nous allons finir cette intervention par certaines causes pour que le serviteur soit préservé du shirk. La première des causes est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le préserve du shirk, ainsi que ses enfants et également ses proches. La deuxième cause est l'apprentissage du tawhid et son contraire qui est le shirk. Et ça, ikhwan fillah, c'est très important. Car pour être préservé d'une chose, il faut la connaître. Si tu ne connais pas le shirk, tu peux tomber dans le shirk sans même savoir. Par conséquent, il faut que tu apprennes le tawhid et son contraire. Et plus tu apprendras le tawhid, et plus tu apprendras qu'est-ce que le shirk, et plus tu pourras te préserver du shirk. Également, la troisième cause, et la dernière que nous allons mentionner dans ce cours, c'est de s'écarter des mécréants et de ceux qui ont des ambiguïtés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne est sur la religion de son ami. Regardez qui vous prenez comme ami. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié dans certains versets l'impact que peut avoir la mauvaise compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'une personne dira: malheur à moi, si je n'aurais pas pris un tel comme ami, il m'a certes égaré après que le rappel me soit venu. Donc cette personne était sur une voie droite, mais lorsqu'elle a pris un mauvais compagnon, ce mauvais compagnon l'a égaré du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici quelques causes qui permettront aux serviteurs d'être préservés du shirk, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du shirk apparent et caché. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.